Le lundi 5 décembre, ici Dominique Lelièvre et les actualités. Après avoir annoncé le gel de taxes pour les résidents et même une petite baisse pour la majorité d'entre eux, le maire de Québec, Régis Labeaume, a présenté ce matin le second volet du budget de la Ville pour 2017. Malgré une augmentation des dépenses, la Ville parvient à réduire sa dette, notamment en procédant à des compressions dans ses effectifs et en améliorant sa productivité. Elle compte aussi sur des subventions fédérales pour amortir les sommes. Le budget consacré aux investissement croît de 30 % sur 3 ans. La part du Lyon va au réseau de transport de la capitale qui voit son budget augmenter. La ville finance aussi des projets comme la construction de l'anneau de glace couvert à Sainte-Foy ou encore d'un centre de biométhanisation. Elle entend également continuer d'investir sur la réfection des routes et des infrastructures souterraines. La Ville de Québec veut renommer le Jardin Saint-Roch en l'honneur de Jean-Paul Lallier. Près d'un an après le décès de l'ancien maire de Québec, le comité de toponymie propose ce changement en mentionnant que l'ancien magistrat a été l'un des grands artisans de la revitalisation du quartier Saint-Roch. L'inauguration du Jardin Saint-Roch dans les années 90 avait été le point de départ d'une grande relance du quartier. Le chroniqueur et animateur Richard Martineau poursuit en diffamation un média indépendant basé à Montréal. Le chroniqueur réclame la somme de 350 000 $ au média Ricochet, un natif du web, pour atteinte à la réputation et incitation à la haine. Le billet en cause, publié en février dernier, s'intitule « Notice nécrologique ». L'auteur de ce billet affirme qu'il voulait dénoncer le manque de rigueur et la démagogie dont ferait preuve le chroniqueur du Journal de Montréal. Le média Ricochet revendique de son côté le droit à la liberté de presse. Une campagne de sociofinancement est en branle pour payer les frais d'avocat de Ricochet, dont la survie serait menacée. Enfin, c'est vendredi que l'on saura si la Ville de Québec remporte le titre de destination hivernale du temps des fêtes, un titre décerné par le magazine américain USA Today. La période des votes prenait fin aujourd'hui à midi et la ville gagnante sera connue le 9 décembre. Québec avait été retenue pour son caractère historique et son ambiance festive. Elle se dispute le titre avec d'autres villes dont New York, Montréal ou encore Ogunquit dans le Maine. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Quelques précipitations de neige aujourd'hui avec une accumulation de 2 cm. Il fera moins 4 degrés cet après-midi. Présentement, on a moins 5 à Québec et c'est généralement nuageux. Demain, mardi, moins 2, alternance de soleil et de nuages. Ça continue de se réchauffer mercredi. Il fera 1 degré avec une neige intermittente ou de la pluie.